Parmi vous autres qui ont des pensées négatives, qu'on ait des pensées, là. Quand je dis des pensées négatives, je dis pas nécessairement d'avoir toujours des pensées comme du monde. Quels sont ceux qui sont comme harassés par des pensées, là? Vous? Non, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de pareil, mais vous savez ce qui se passe. Il y a un crise un peu plus, je peux. Ouais. Et puis souvent, il n'aime pas ça quand tu me parles. Il n'aime pas ça quand tu me parles. Disons, même ma voix tremble. Waouh. C'est quelque chose? Vous, les affaires, pas de ça? Waouh. Vous avez les affaires qui sont pas moi, c'est comme que les affaires sont là. Waouh. C'est ma droite, c'est votre. Ah. Ah, c'est un gros problème, chez l'homme. Ouais. Quels sont ceux qui ont des pensées intelligentes, tu sais, qui ont de la pensée intelligente? T'as les deux. Bon, heureusement. Farcique, ouais. Oui, c'est farcique. C'est ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est avec une émission, mais dans certaines situations, c'est la femme pour faire ça. C'est justement ce que je disais tantôt. C'est rare, nous devons savoir ce que tu sais. Il y a toujours une petite affaire dans la vie pour rendre que tu arrives. Il y a juste une petite porte d'entrée. Moi, dans ça, là, quand ça part les coches, ça se fait pas. C'est pas possible. Parce que vous êtes plus vulnérable dans ce temps-là, comment? Ouais. C'est tout le temps les mêmes affaires. Tout le temps, c'est le temps, tout le temps. Comme un record. De cette façon-là qu'on se raconte, c'est un vent. Mais on perd de l'énergie à combattre ça. Ah oui, c'est très fatigant. C'est cyclique, puis oui. On le sait, on le sent. Donc moi, je viens le voir parce que, comme tu dis, moi, je suis folle avec toi. Et je sais qu'en dehors de ça, il y a un paquet de conneries dans une forme de tête. C'est toujours comme ça. Y en a-tu qui n'ont jamais de ça, conneries? Tu n'as jamais de conneries. Tu n'as jamais ça de conneries. N'as-tu d'autres qui n'ont jamais de conneries? Quand je dis pas mal de conneries, pas de conneries, tu sais, c'est pas mal. Toi, Guy, t'as pas ça de conneries? T'as d'autres sortes de conneries? Je vais vous demander une question. Je vais vous demander comment est-ce que je m'en reste. Ouais. Une question, des autres, qui a un homme qui a des questions quand même, très grand malheur pour ça. Parce que c'est des questions qui sont des très. À la lettre, réellement, comme on dit sur les vibratoires sont très importants. Oui. Et les arbres, c'est très important. Je suis bien rempli la terre. Pourquoi tu parles d'un état mental, mais sur les lettres de l'euro, il y a plus. Ah, là, c'est encore pire, en couleur. Est-ce que l'homme est conscient de son rapport avec le monde? Si. L'homme est conscient de son rapport avec le monde. L'âme, c'est de la mémoire. Il n'y a pas de conscience dans l'âme, c'est de la mémoire. Écoute bien ça. Mandez donc, vous là, là. Mandez donc si ça existe, l'âme. Quelle réponse que vous avez? Pas tes affaires. Mandez donc s'il aimerait ça parler un petit peu. Pas le coupable. Demandez donc pourquoi est-ce qu'il vit toujours dans un environnement où il y a beaucoup de bouteilles. Quoi tu veux savoir? Pour l'aider. Ok. Demandez-donc si je peux l'aider un petit peu. Si je veux, si. Je vois un tour d'hypocrite, ok. M'en dis donc s'il y a des bouteilles qu'il peut faire à d'autres. Les longues et minces, ok. Pourquoi? Hein? Attention, mon émotion, elle dit c'est comme un pénis. C'est comme un pénis, ok. M'en dis donc, c'est parce que dans ces bouteilles-là, il y a beaucoup de soufre. M'en dis donc, si... M'en dis donc, si... Il est intéressé à poursuivre la conversation. Non, ok. Il a peur. Pourquoi? Y a-tu peur parce qu'il n'est pas sûr de prendre la bonne décision? Il est en maudit, ok. Ok. M'en dis donc si c'est qu'est-ce que c'est du soufre? Ça brûle, ok. M'en dis donc d'où ça provient, si c'est d'où ça provient le souffle. Ok. M'en dis donc si le souffle qui vient du souffle du feu de l'enfer, c'est sa mémoire. Oui, ok. C'est sa mémoire. Dites-lui que je connais ça, les lois du souffle. Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, il connaît. Dites-lui que s'il est intéressé à ce que je l'aide, qu'il vous sacre la paix, puis je vais l'aider. Bien sûr. OK. M'en dis donc pourquoi la bouteille dans la grosse maison ronde est cassée à la tête. Pour qu'il voit plus clair. OK. Est-ce qu'il comprend que quand une bouteille est cassée, c'est pour lui enlever la liberté de comprendre les lois du temps? OK. M'en dis donc s'il est intéressé à ce que je l'aide. OK. À condition qu'il vous laisse en paix. Donnant? OK. Dis-lui que donnant, c'est un pacte. OK. Et quand on signe un pacte avec un étranger de son temps,

l'homme doit connaître le monde des esprits. Puis l'homme connaîtra le monde des esprits quand il sera dans son intelligence. À ce moment-là, c'est là qu'on détruit l'astral. C'est intéressant de parler avec eux autres. Moi, je pourrais m'asseoir et parler avec elles, d'avoir un tape à côté, là. Puis je décrirais tout leur monde avec elles, là. Ça ferait un roman science-fiction, là. Un roman culte, tu parles de roman. D'ailleurs, j'ai l'intention d'en écrire un roman culte. Je m'en écrirai un roman culte. Dans ce que vous avez dit tantôt, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre pour nous? Vous pouvez expliquer la question de la bouteille cassée? Non, c'est pour lui. C'est pour le contact entre moi et lui. Moi. Nous autres, on ne doit jamais s'intéresser à ce qui est astral. Jamais s'intéresser à ce qui est astral, parce que si on s'intéresse à ce qui est astral... Il y a quelqu'un qui est stationné avec un Monte Carlo, c'est 557. Une personne qui s'intéresse trop à l'astral, éventuellement s'astralise. Bon, c'est la même chose. Tu fais du spiritisme dans la rue. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas les lois vibratoires. Moi, si je vous dis que j'ai été protégé pendant des années de les opérer, des années, j'étais à cartésien au bout. Elle n'a pas vu que tu m'arrives avec un lit de même sur la table. C'était ma protection. Si l'homme n'est pas conscient de lui-même, qu'est-ce qui attire lui? Qu'est-ce qui fait que la personne se réserve lui? Qu'est-ce qui fait que? C'est une mémoire. Tout se conserve dans l'univers. Tout se conserve. Tout. Parce que tout est esprit. Tout se conserve. Tout. Rien ne se perd au niveau de la mémoire. Mais ça a un effet après. Puissant, c'est. Si tu parles de symboles à des gens, tu les astralises. Si tu te sers du symbole comme pilier, comme structure, pour expliquer des choses à des gens, à ce moment-là, c'est une autre chose. Mais éventuellement, il faut que tu en sortes toi-même de ça pour fonctionner qu'au niveau de l'intelligence. Parce que, écoute, regarde bien ça, c'est fort. Parce que moi, si tu montres à quelqu'un qu'est-ce que ça fait d'apprendre d'un symbole, de prendre le tarot, de prendre les bonnes magies, des choses différentes, tu t'expliques à la personne comment ça fonctionne. Oui. Je vais t'en donner d'après lui la réponse. M'en dis donc s'ils aiment ça, eux autres, des symboles. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi? OK. M'en dis donc, qui c'est qui parle, là? C'est qui? M'en dis donc, si celui qui parle, là, c'est l'entité qui était là avant ou si c'est un autre. C'est un autre. M'en dis donc, c'est même lui. OK. M'en dis donc... M'en dis donc s'il fait partie des zones neutres. Quelle différence qu'il y a entre les zones neutres puis les sphères? Mais ce n'est pas la même chose, mais je ne peux pas l'expliquer. OK. C'est pour ça que tu parles de symbole, là. Quand je parle de symbole, là, tu parles d'une autre entité, là, si tu n'as plus la même réponse. Tu comprends? Si tu demandes des questions à une entité qui est dans une sphère, ils vont t'emballer de symbole. Aussitôt que tu changes, que tu montes en vibration, l'importance des symboles change. Change. Fait que c'est une bonne réponse qu'elle a. Tu comprends? Les symboles ont été donnés à l'homme pour apprivoiser son intelligence, pour permettre que son corps astral vibre à une luminosité un petit peu plus haute en vibration. Mais le problème, c'est que dans le monde astral, il y a soit la magie blanche ou la magie noire. Et quand l'homme est affecté par la magie blanche ou la magie noire, l'homme est affecté par des courants d'énergie dans le monde astral. La symbologie, c'est astral. Si un homme se sert de la symbologie, il faut qu'il soit bien conscient de ce qu'il fait. Il faut qu'il s'en serve pour éveiller dans l'esprit d'une personne quelque chose, mais pas transmettre dans l'esprit de cette personne-là une vibration astrale. Sans ça, tu dépasses ce que tu as essayé de faire. Mais faut que tu sois à ton intelligence. Pour parler de ce symbole-là, pour en parler, pour que je sois en dehors. Faut que tu sois en dehors. Ça, c'est... Non. C'est exactement. Faut que tu sois en dehors. Oui. Effectivement, faut que tu sois en dehors. Parce que c'est comme. Soit je dis, faut que tu t'en sers. Mais tu peux pas en être prisonnier. Moi, je peux dire qu'avant de te rencontrer, je suis certain que je travaillais avec des entités. Il y a plein d'énergie. Quand je t'ai rencontré, tu t'es mis en dessous, évidemment, je ne peux pas en parler, mais je n'avais pas la même sensation. Il y a ça qui était. Je ne peux pas en parler autant, mais je pouvais les mettre en garde, le lien que ça créait d'être en contact avec. Aujourd'hui, je vais parler du phénomène de certaines formes de l'homme, de chien, de je mets en garde les gens de qu'est-ce que ça fait si tu te laisses pogner par l'entente. Alors qu'avant, j'avais une espèce de charisme qui faisait que là, elle pouvait assister. C'est un état d'esprit, je pense, pour faire du tout. Mais tu comprends-tu que lui, il est bien critique quand il entend de cette fois, c'est quelqu'un qui ne savait pas ça? Ah, ben, effectivement. Effectivement, oui. Mais il peut être plus dangereux aussi. Il n'est pas dans son intelligence. Il n'est pas dans son intelligence. Il est dans son intelligence. Oui. Il parle de tout ça. Il inquiète. Condition-là. Si quelqu'un qui est dans son intelligence est capable de parler de ce qui se projette, de ce qui était cher, de ce qui était difficile, je ne parle pas de crédibilité au niveau. Je parle aussi pour le plan de ce qui est bien plus. Là, je pourrais être. Il ne peut plus te avoir, tu sais. Puis moi, en tout cas, j'ai la conviction que le plan des petits qui ont une affaire qui fait fond, qui sont bien en affaire, c'est de nous empêcher de travailler. Très juste. Parce que nous autres, la communication entre nous, moi, je parlais de la communication, de la parole entre les êtres qui sont incarnés comme nous, là, dans la conscience. La parole et la communication des êtres conscients, ce qu'est la pensée est de communication au plan des esprits. Non, ça marche. C'est comme si, par exemple, quand je te dis, quand tu parles d'un enfant, ça peut être votre vie. Si moi, je donne l'intention à quelqu'un qui se plaît de ce qu'il fait, c'est de ça. Si moi, je te donne l'intention à toi, Bernard, que toi, tu me trouves petit cul, puis je suis pas digne de te parler parce que tu bois tout, puis tu me bois en bas de ce que moi, je pourrais penser de moi. OK? Bon, ben l'intention que moi, je te donne, elle vient pas de moi. Non, ça, elle vient du plan des esprits. Comprends-tu? Mm-hmm. Puis le fait que je donne une intention à l'autre, c'est si ça se passe, ça, ça me fait une fois très, très, très pertinent. Très souvent, puis avec les personnes qui sont proches, je te le fais. C'est le fait que je donne une intention à l'autre. Moi, c'est ça, je fais du spirituel dans le temps. Alors, quand je donne une intention à l'autre, ton esprit va jouer dans ton esprit pour te décider de ce que ton esprit parle du sujet de moi. Ça, tu as créé comme un lien dans lequel, en étant tout donné, tu serais enfermé dans ça. C'est clair parce que c'est subtil, ça. Ça fait dans notre éducation, on s'est fait beaucoup dire. C'est comme tu disais tantôt, moi, c'est une affaire qui fait bien tête de cochon, tu as toujours le dernier mot, tu es orgueilleux, tu sais, c'est l'orgueil qui est tout le temps dans les anges, peut-être. Quand tu arrives dans ce mental, tu te dis, il faut être dans l'intelligence, il faut que tu sois en un Dieu. Ben, tabarnak, ils sont de ce côté-là en mots, tu sais. Mm-hmm. Aussitôt que tu reconnais quelque chose, puis que tu reconnais que tu es intelligent, en tout cas, moi, si je suis dans ma job, ou en train de parler à des gens ici, je suis certaine que je sais pas où je vais parler. C'est impossible. Mais si je suis seule, ah ben là, c'est fait. Puis ce qui coûte ça, c'est la parole. Puis ce qui est pénible, en tout cas. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous saurez ce que vous savez en parlant. Combien en le pensant, en le parlant. Mais ce qui est difficile, c'est de parler à quelqu'un, mais qui écoute avec son intelligence. Bon, regardez ce qui se passe. Ça, je trouve ça important, en tout cas, pour bien du monde, moi, que je rencontre au bureau de vie. C'est, je viens te voir parce que je veux te parler. Parce que j'ai personne à qui parler. Ne fais pas pour me dire quelque chose. Parce que si moi, je l'écoute, puis j'ai rien de relation émotive avec cette personne-là, je l'écoute et avec elle, je vais le dire, dans un respect d'elle, je vais lui faire voir que ce n'est pas elle qui perd, ce n'est pas elle qui s'en sort d'elle, c'est sans les autres. Tu comprends? Mais si j'ai une relation émotive avec quelqu'un, que moi je lui parle de moi, charrié par le plan des esprits, la qualité de relation émotive, c'est un chemin entre les âmes ou entre son esprit premier, puis c'est très difficile pour l'autre personne de rester objective, de m'écouter, que moi je me sens respectée, parce que le feedback que la personne me donne, c'est charlier, comme si j'étais responsable. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Et ça, ça devient dur, parce que c'est ça aussi, quand t'es amené à voir, c'est comme si t'as les esprits, vont voir l'autre. Interlocuteur, par l'autre part. Puis moi, parler avec le plan des esprits d'une personne à l'autre, ça ne m'intéresse pas. Quand tu parles comme du monde, je vais t'écouter. Personne n'est que tu es prêt à se libérer par la parole, elle est plus capable de parler. Et c'est ce langage-là qu'on a besoin de parler entre nous. Bien plus que le langage de savoir les informations que tu vas y avoir dans 20 ans, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, c'est se libérer ensemble, puis comment est-ce qu'on va se libérer ensemble? C'est en parlant qu'on est capable de se libérer. Ouais. Vous allez vous libérer ensemble en parlant de vous autres puis en vous prenant objectivement. Objectivement? Ouais. C'est pour ça que c'est important de parler à quelqu'un. C'est difficile de parler à quelqu'un qui est proche. En tout cas, pas généralement, là, mais il faut parler avec quelqu'un qui est capable d'écouter objectivement. Ouais. Mais d'écouter en sentant le respect de soi-même parce qu'il y a comme une identification à un moment donné entre soi-même et le plan des esprits. Parce que quand je suis dans ce plan des esprits-là, je me sens diminuée, je me sens diminuée, je me sens responsable. Ils font quasiment, tu sais, ils font tous les chiffres, moi, je te dis. Ben, quand tu arrives pour le parler à quelqu'un, si ce quelqu'un-là n'est pas dans ton intelligence pour le savoir, connaissant que c'est le plan des esprits qui charrie, au lieu de le pitcher dans la face de la personne qui ferme, l'autre s'en libère. Mm-hmm. Elle prend pas. Mais t'as fait voir. Parce que les deux petits sont dans le miroir, elles se disent que c'est ta place. Mais il faut que je le fasse. Ouais. Ouais. C'est probablement un des aspects les plus occultes de l'élévation de la conscience supramentale sur la Terre que c'est en parlant que l'homme saura.